Unité 55. Conversation. Écoutez. 1. Nous commençons la leçon d'aujourd'hui en revoyant la signification de quelques panneaux de signalisation. 2. Celui-ci est un panneau que l'on rencontre sur les routes de montagne. 3. Il signale que la route risque d'être glissante par temps de pluie, de neige ou de verglas. 4. Dans le cas où l'on voit ce panneau, il faut ralentir pour éviter d'avoir à freiner brusquement. 5. En effet, il faut éviter de freiner sur route mouillée ou enneigée. 6. Sinon, vous avez toutes les chances de faire un tête-à-queue. Répondez, répétez. 7. Par quoi commençons-nous la leçon d'aujourd'hui? Nous commençons la leçon d'aujourd'hui en revoyant la signification de quelques panneaux de signalisation. Où rencontre-t-on ce type de panneau? Celui-ci est un panneau que l'on rencontre sur les routes de montagne. 11. Que signale-t-il? Il signale que la route risque d'être glissante par temps de pluie, de neige ou de verglas. 13. Que vous faut-il faire dans le cas où vous voyez ce panneau? Dans le cas où l'on voit ce panneau, il faut ralentir pour éviter d'avoir à freiner brusquement. 15. Il faut éviter de freiner. 16. En effet, il faut éviter de freiner sur route mouillée ou enneigée. 17. Sinon, que se passerait-il? 18. Sinon, vous avez toutes les chances de faire un tête-à-queue. Écoutez. 19. Observez ce panneau. Vous, Marie, dites-moi ce qu'il signale. 20. C'est un panneau d'interdiction de circuler pour certains véhicules. 21. Lesquels? 22. Les véhicules transportant du gaz, des carburants, des matières inflammables, des explosifs, du bitume chaud. 23. C'est tout? 24. Non. Il interdit aussi de circuler certains jours aux camions de plus de 3,5 tonnes. 25. De quand à quand? 26. Du samedi au lundi, ou à partir de 13h la veille d'un jour férié, ou jusqu'à 10h le lendemain d'un jour férié. Répondez, répétez. 27. Observez ce panneau. Vous, Marie, dites-moi ce qu'il signale. 28. C'est un panneau d'interdiction de circuler pour certains véhicules. 29. Lesquels? 30. Les véhicules transportant du gaz, des carburants, des matières inflammables, des explosifs, du bitume chaud. C'est tout. Non. Il interdit aussi de circuler certains jours aux camions de plus de 3,5 tonnes. De quand à quand? 34. Du samedi au lundi, ou à partir de 13h la veille d'un jour férié, ou jusqu'à 10h le lendemain d'un jour férié. Écoutez. 35. Puisqu'on n'arrive pas à trouver une place, allons au parking. 36. Oui, il y en a un tout près, derrière le Royal. Passe par la contre-allée. 37. Tu es sûr que nous avons assez de monnaie? 38. Pourquoi? 39. Tu sais bien que c'est un parking équipé de caisses automatiques. 40. C'est vrai, je me suis déjà fait prendre une fois. Pourtant, il y a un panneau. Répondez, répétez. 41. Puisqu'on n'arrive pas à trouver une place, allons au parking. Oui, il y en a un tout près, derrière le Royal. Passe par la contre-allée. 43. Tu es sûr que nous avons assez de monnaie? 44. Pourquoi? 45. Tu sais bien que c'est un parking équipé de caisses automatiques. 46. C'est vrai. Je me suis déjà fait prendre une fois. Pourtant, il y a un panneau. 47. Pierre, qu'est-ce qui est interdit par ce panneau? 48. Il est interdit formellement de prendre un train qui a déjà démarré. 49. Que signale-t-il encore? 50. Qu'il faut faire attention à la marche en montant dans les voitures. 51. Pourquoi est-ce dangereux? 52. Parce que cette station est en courbe. Répondez, répétez. 53. Pierre, qu'est-ce qui est interdit par ce panneau? 54. Il est interdit formellement de prendre un train qui a déjà démarré. 55. Que signale-t-il encore? 56. Qu'il faut faire attention à la marche en montant dans les voitures. 57. Pourquoi est-ce dangereux? 58. Parce que cette station est en courbe. Écoutez. 59. Est-ce que par hasard tu aurais des timbres pour que je puisse poster ma lettre tout de suite? 60. Non, mais tu as un distributeur automatique. 61. Mais je croyais que tu voulais l'expédier par avion. 62. Oui, mais je sais combien de timbres je dois mettre. 63. De toute manière, elle ne partira pas avant lundi. 64. Mais si, regarde, elle partira ce soir. Le samedi, il y a une levée à 16h. Répondez, répétez. 65. Est-ce que par hasard tu aurais des timbres pour que je puisse poster ma lettre tout de suite? 66. Non, mais tu as un distributeur automatique. 67. Mais je croyais que tu voulais l'expédier par avion. 68. Oui, mais je sais combien de timbres je dois mettre. 69. De toute manière, elle ne partira pas avant lundi. 70. Mais si, regarde, elle partira ce soir. Le samedi, il y a une levée à 16h. 71. Tu as vu la queue au guichet des renseignements? 72. Ça ne fait rien. Les heures de train sont affichées sur les panneaux. 73. Si on veut partir à Poitiers dimanche dans l'après-midi... 74. On a celui de 14h. 75. Tu parles, il s'arrête partout. Mais regarde, il y a celui de 13h54. 76. Effectivement, il est direct jusqu'à Poitiers. 77. Mais peut-être qu'il ne marche que les jours ouvrables. 78. Ce serait marqué. Répondez, répétez. 79. Tu as vu la queue au guichet des renseignements? 80. Ça ne fait rien. Les heures de train sont affichées sur les panneaux. 81. Si on veut partir à Poitiers dimanche dans l'après-midi... 82. On a celui de 14 heures. 83. Tu parles, il s'arrête partout. Mais regarde, il y a celui de 13h54. 84. Effectivement, il est direct jusqu'à Poitiers. 85. Mais peut-être qu'il ne marche que les jours ouvrables. 86. Ce serait marqué. Écoutez. 87. Toi qui cherchais du papier peint à bon marché, tu devrais noter cette adresse. 88. Quelle adresse ? 89. Regarde derrière toi. 90. Une réduction de 20%, c'est bon à prendre. 91. Par malheur, je ne peux pas y aller en ce moment. 92. Mais tu as jusqu'au 20 février. Tu trouveras bien un petit moment. Répondez, répétez. 93. Toi qui cherchais du papier peint à bon marché, tu devrais noter cette adresse. 94. Quelle adresse ? 95. Regarde derrière toi. 96. Une réduction de 20%, c'est bon à prendre. 97. Par malheur, je ne peux pas y aller en ce moment. 98. Mais tu as jusqu'au 20 février. Tu trouveras bien un petit moment.